السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد. في هذه الأيام الماضية قرأنا شيئا من أحاديث الكتاب القيم عمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وبما أن الأيام قد اقتربت من يوم العيد فلا بد أن نتفقه في شيء من أحكام زكاة الفطر وصلاة العيد. من هنا سيكون درس اليوم أحكام الزكاة أو أحكام زكاة الفطر. أحكام زكاة الفطر. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et son assistance, nous avons pu étudier certains ahadith du livre Umdatul Ahkam du grand savant Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, et du fait qu'il ne reste que très peu de jours avant le jour du Eid, il nous faut apprendre certaines règles relatives à la fin de ce noble mois, le mois de Ramadan. Et parmi les règles les plus importantes qu'il nous faut connaître, il y a les règles de Zakatul Fitr, les règles de Zakatul Fitr. Donc voici l'intitulé de notre cours d'aujourd'hui. وبالله التوفيق. Premièrement, أولا تسمية هذه الزكاة بزكاة الفطر. Premièrement, l'appellation de cette zakat, on l'appelle zakat al-fitr. Al-fitr, ça veut dire la rupture du jeûne. Al-fitr, c'est la rupture du jeûne. Donc, la zakat marquant la rupture du jeûne. La zakat ayant pour cause la fin du jeûne du mois de Ramadan. Voici le sens de ce nom. Et elle a plusieurs appellations, cette zakat. Tout comme nous l'appelons zakatul fitr, elle s'appelle aussi sadaqatul fitr. Elle s'appelle aussi sadaqatul fitr. Tout comme nous l'appelons également al-fitra. Tout comme nous l'appelons également al-fitra. Voici ces appellations. Et la première appellation, zakatul fitr, est la plus répandue. وَهَذَا مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى سَبَبِهِ. On l'appelait zakatul fitr, et la relation entre ces deux mots, cette annexion, et le fait d'annexer la chose à sa cause. Le fait d'annexer la chose à sa cause, on l'appelle zakatul al-fitr. Pourquoi est-ce qu'on sort cette zakat? Quelle en est la cause? C'est al-fitr. Naam, c'est al-fitr. Comme l'a expliqué Cheikh أماذا محمد بن صالح العثيمين يدوث قامل علماء كم شخص صالح فوزان حفظه الله تعالى. ثانيا حكم إخراجها. Deuxièmement, après avoir compris le sens de ces appellations, voyons maintenant le jugement de cette zakat. Quel est le jugement de sortir zakat al-fitr? Al-wujub. حكمها al-wujub. Son jugement, c'est l'obligation, sans aucun doute. وقد دل على مشروعية إخراجها كتاب ربنا عز وجل وسنة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام وماذا ذكر بعضهم الإجماع على ذلك كالحافظ المنذري أو ابن المنذر ذكر الإجماع على ذلك. نعم، في الحقيقة شذ من شذ بالقول بعدم وجوبها. Quant à son jugement, حفظكم الله تعالى, sans aucun doute c'est l'obligation. Et son caractère légiféré nous est cité de par le Coran, de par la Sunna. Et certains savants ont même dit qu'il y avait le consensus des gens de science quant à l'obligation de s'acquitter, de sortir, de s'acquitter zakat, de zakat al-fitr, comme l'a cité Ibn al-Mundhir. Mais en réalité, il n'y a pas al-ijma', même si la grande majorité des ulama ont cité que c'était une obligation, et c'est l'avis authentique. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ». Certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit que ce qui est voulu dans ce verset, c'est zakat al-fitr. A dit cela Saïd ibn al-Musayyib, et a dit cela Omar ibn Abd al-Aziz. Naam, rahmatullahi alayhima. Que ce verset faisait référence à zakat al-fitr. Naam. Quant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths très explicites, authentiques, sont venus à ce sujet. Parmi ceux-ci, le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, dans le recueil de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim, dans lequel il nous dit « Farada, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr sa'an min tamr ou sa'an min zabib. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou plutôt Abdullah ibn Omar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire zakat al-fitr un sa', et on expliquera cette mesure, un sa' de tamr, de date, ou sa'an min sha'ir, ou bien sa' d'orge, ala kulli abdin wa hur, sagirin wa kabir, sur l'ensemble des gens, na'am, que la personne soit libre ou non, que la personne soit grande ou petite, c'est une obligation. Shahiduna min al-hadith, qawluhu alayhi salatu wa salam farada, wa ma'na farada ay awjaba. Na'am. Donc de ce hadith, il y a le terme farada, rendu obligatoire. Et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous rend obligatoire, ça le jugement de ce qu'Allah azza wa jalla a rendu obligatoire. Pourquoi? Car c'est par définition le messager d'Allah. Il vient transmettre le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah nous dit dans le Coran, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Et celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. Car Allah dans le Coran nous ordonne son obéissance. Dans de très nombreux versets du Coran. Et il nous dit même, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dans Surat al-Hashr, Allah Azza wa Jal nous dit, selon la traduction des sens de ce verset, et ce que le messager d'Allah vous donne, ou bien ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Abstenez-vous-en. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran menace ceux qui feront scission avec la voix du messager et menace ceux qui emprunteront un autre chemin que le chemin des sahaba, le chemin du messager des sahaba radiallahu anhu. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui contredisent son ordre d'être touchés par un trouble, ou bien que ne les touche un châtiment douloureux. Et dans un autre verset, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et celui qui fait scission d'avec la voix du messager après que les preuves évidentes lui aient été exposé, ou que la voie lui fut éclaircie, tout en suivant un autre chemin que les croyants, les sahaba radiallahu anhu, on l'abandonnera ce qu'il a choisi. Et sa destination finale sera l'enfer. Donc de contredire les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa voie, c'est une chose qui est très grave. C'est une chose qui est très grave et sujette à un lourd châtiment chez Allah tabaraka wa ta'ala, afana Allah wa iyyakum. Et Ibn al-Munzir haka al-ijma' ala dhalik, ay ala wujubiha. وقال قلة قليلة بأن حكمها أو قال في حكمها أنها سنة مؤكدة. Une minorité, une infime minorité, on dit que c'est une sunna fortement recommandée. Mais il ne fait aucun doute sur le caractère faible de cet avis. Naam, et qu'il n'est pas l'avis en adéquation avec les textes. Et cet avis a été rejeté par les ulama. Et même les preuves utilisées ne sont pas fortes, parmi lesquelles un hadith daif, parmi lesquelles un hadith faible, qui nous dit que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a reçu l'ordre de zakatul mal, il s'est tu sur zakatul fitr. Il n'a dit de la sortir, ni il n'a dit de ne pas la sortir. Donc premièrement, le hadith daif. D'accord? Mais quand bien même, il n'y a pas dans le hadith le fait que zakatul fitr, son obligation, est abrogée. Car, comme c'est connu dans les qawa'id de usul fiqh, lorsqu'une chose est rendue obligatoire, Naam, où un jugement est porté, la chose reste ainsi tant qu'il n'y a pas une preuve qui sort, qui la fait sortir de cela. Donc s'il y a 10 choses, Naam, s'il y a 10 choses qui ont le jugement de l'obligation, d'accord, ensuite on dit de 9 choses que désormais ça n'est plus obligatoire mais par exemple recommandé, ben sachez que la 10e chose reste sur son jugement. La 10e chose reste sur son jugement. Naam. Fahada, ala kulli hal, dans tous les cas, le jugement de zakatul fitr est sans aucun doute l'obligation. Troisièmement, hikmatu mashru'iyatiha. Troisièmement, quelle est la sagesse d'avoir rendu obligatoire zakatul fitr? Zakatul fitr. Le grand savant, al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, nous dit que la hikma de zakatul fitr, zahira, elle est évidente, elle est apparente. Tohratun les sa'imin. Premièrement, nous cite dans les textes que c'est une purification pour les jeûneurs. Mina al-lahwi wal-rafath, de tout manquement, distraction ou péché. Tu'matun ou tohratan wa tohratun lil masakin aussi. C'est tohratan lil masakin, c'est une nourriture. Naam, ça sert à nourrir les pauvres et les besogneux. Wa tukhraju aïda shukran lillahi subhanahu wa ta'ala ala l'itmam. Itmam al-shahri bis siyam. Wa ma yassar Allah subhanahu wa ta'ala wa affaq. C'est aussi un signe de reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala de ce qu'il nous a facilité comme jeûne et comme adoration. Car zakatul fitr se sort après le jeûne du mois de Ramadan. Donc tu sors zakatul fitr pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir facilité et permis de jeûner le mois de Ramadan. Et combien sont les serviteurs d'Allah azza wa jal qui ne sont pas dans l'iman? C'est même pas qu'ils n'ont pas jeûné, ils sont même pas dans l'iman, ils sont même pas dans l'islam. Naam. Ensuite, Combien sont ceux qui, parmi les croyants, n'ont pas pu jeûner par faible de iman? Naam, ya'asuna Allah azza wa jal, wa ya'asuna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils commettent ce grand péché que, en délaissant ce pilier de l'islam, ils ne jeûnent pas. Ils rompent le jeûne, ils mangent volontairement en cachette ou en public. Wal'iyadhu billah. Ensuite, combien sont ceux qui sont croyants et qui, sans désobéir à Allah Azza wa Jal, ne peuvent jeûner? Ils ne peuvent jeûner. Na'am, li maradin asabahum, afan Allah wa iyyakum, wa shafa Allah mardana wa ardal muslimin. Et combien sont ceux qui ne peuvent pas jeûner car ils sont malades? Na'am, soit ils ont une maladie passagère qui les a trouvés dans ce mois. Na'am, donc ils n'ont pas pu jeûner le mois ou une partie du mois. Soit ils ont une maladie de longue durée qui ne leur permettra plus de jeûner. Qu'Allah nous préserve et guérisse nos malades. Donc, subhanallah, akram al-akrami, al-ra'ouf al-rahim, le fait qu'il te permette de jeûner. Na'am, hadha khayrun azim, wallahi. Ça, c'est un bienfait qu'on ne pourra jamais estimer. Na'am, wa ka'anni bi rajul من أهل جدة كان عندنا قبل عامين يبكي نعم يبكي على عدم القدرة على الصيام وهو معذور عند الله عز وجل et cela me rappelle un homme qui était là il y a deux années, un habitant de Jeddah, un frère à nous qui était venu en France pour se soigner. Il pleurait devant nous parce qu'il était triste de ne pouvoir jeûner le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il était malade. Naam, alors qu'il est excusé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, alors qu'il est excusé chez Allah azza wa jal. Lita'alam ya abdallah, i'idhama hadhi ni'ma. Afin que tu saches le grand bienfait de ceux de pouvoir jeûner Ramadan, subhanallah. Du'afa l'iman, ceux qui ont une foi faible se plaignent quand le mois de Ramadan vient. Naam, wa ahlul iman, mais les gens de la foi, véritablement, yashtaqoun ila Ramadan. Le mois de Ramadan leur manque lorsqu'ils partent. Puis ils l'attendent toute l'année. Et lorsque le mois de Ramadan arrive, ils remontent leur manche, na'am, pour s'adonner à l'adoration d'Allah Azza wa Jal avec motivation, avec détermination, avec espoir. Et ils savent que ça, c'est le jardin des vertus en réalité. As-siyam. Na'am, c'est le jardin des vertueux. Na'am, c'est le plaisir des gens pieux. Ils se rapprochent d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils recherchent son pardon. Ils font des efforts la journée. Lui, ils font des efforts la nuit. Naam, ils délaissent beaucoup de leur dunya et font beaucoup plus qu'à la base dans leur année. Subhanallah. Fa kayfa la madha naqum bi shukrillahi azza wa jal ba'da al-itmam wa at-tamam. Donc comment est-ce qu'on pourrait se passer de remercier Allah azza wa jal à la fin de ce mois? Subhanallah. Quelqu'un, une personne qui a jeûné un jour de Ramadan, une personne qu'Allah Azza wa Jalla a maintenue en vie et qui a pu rentrer dans le premier jour du mois de Ramadan. Il a atteint la première nuit. Naam. Les shayatines sont enchaînées, les portes du paradis ouvertes. Il a passé une nuit dans Ramadan. Ensuite, il a jeûné un jour et le maghrib est arrivé et il est décédé. Wallahi qu'Allah il a voulu son bien. Peut-être qu'avec ce jour-là, Allah Azza wa Jalla lui a effacé les péchés de toute sa vie. Naam. Et lorsqu'on a parlé de deux frères au prophète alayhi salatu wassalam, l'un était pieux et faisait beaucoup d'adoration, il est décédé avant. Puis le deuxième, qui était moins pieux, est décédé plus tard. Le prophète sallam a dit, quel est le meilleur des deux? Ils ont dit, c'est le premier, il était plus pieux, il était comme ça, comme ça. Le prophète sallam leur a dit, comment est-ce que vous savez cela? Alors que le deuxième a vécu plus longtemps, donc il a jeûné tant et tant de Ramadan en plus. Naam, une année en plus dans ta vie où tu as jeûné Ramadan, c'est un kenz azim. C'est un trésor inestimable. Naam. Il se peut qu'avec une sajda dans Ramadan, Allah Azza wa Jalla yarhamuk wa yaghfiru lak. Il se peut qu'une prosternation dans le mois de Ramadan, Allah Azza wa Jalla passe sur toutes tes fautes, t'efface tous tes péchés et t'inscrit parmi les gens du paradis et les gens de la guidée il a yawm al-qiyam. Comment est-ce qu'avec tout ça, naam, on pourrait ne pas se réjouir d'avoir jeûné Ramadan malgré toutes nos faiblesses, nos manquements, nos défauts? Et comment est-ce qu'on pourrait se montrer ingrat et ne pas être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal? Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et les savants citaient d'autres mada, d'autres sagesses, comme le fait d'apporter soutien aux pauvres, na'am, et de soigner son âme contre l'avarice, contre le fait d'être avare, d'être trop proche de son argent. Et ça soigne aussi le cœur de celui à qui on donne et le prémunit de du hasad, par exemple, de la jalousie, de l'envie et d'autres maladies du cœur. Ça concrétise al-ukhuwa, al-imaniyya, ça concrétise la fraternité. Na'am, ça concrétise la fraternité. Car les gens qui ont des moyens sortent et cherchent des gens dans le besoin et ils leur donnent et ils comblent leurs besoins pour la veille du Eid et le jour du Eid. Na'am, ainsi tout le monde peut profiter de la fête du Eid. Ainsi tout le monde peut profiter de la fête du Eid. Et rappelez-moi à la fin du cours de vous dire pourquoi est-ce que une des sagesses de dire c'est la fête du Eid. C'est une fête, on t'interdit de jeûner ce jour-là. Na'am, faites-moi rappeler cela. Rabi'an, ala man tajibu zakatul fitr. Quatrièmement, après avoir su la sagesse de zakatul fitr, voyons maintenant qui est redevable de zakatul fitr. Sur qui cette obligation, na'am, à qui cette obligation incombe. Zakatul fitr tajibu ala kulli muslim wa muslimatin kabiran kana am saghira sama an lam yasum sahihan am marida ala kulli muslim. Na'am, zakatul fitr est une obligation de laquelle doit s'acquitter tout musulman, tout grand ou tout petit. Non. Qu'il soit un homme ou une femme. Qu'il soit âgé ou un enfant. Non. Qu'il ait quelques heures ou qu'il ait 100 ans. Non. C'est une obligation. Qu'il ait jeûné Ramadan ou qu'il n'ait pas jeûné Ramadan. Pour cause de voyage ou de maladie. Quel que soit le cas, il est obligé de sortir zakatul fitr. S'il est musulman, il est libre. S'il est musulman, il est libre. Au moment du coucher du soleil, comme on le verra. Quelle est la preuve de cela? Le hadith d'Abdullah ibn Omar, al-madhkura anifa. Na'am. Al-hurri wa madha al-abd al-kabir wa al-saghir. Et la preuve de cela, le hadith d'Abdullah ibn Omar, que nous avons lu auparavant. Qu'en est-il de celui qui n'a pas les moyens? Nous avons dit ici que zakatul fitr était une obligation pour tout musulman et tout musulman et tout enfant. Qu'en est-il de celui qui n'a pas les moyens? Est-ce qu'il entre dans cette obligation ou non? Fi tafsil, ça dépend. Zakatul fitr, c'est pas zakatul mal. C'est différent de zakatul mal. Zakatul mal, c'est sur l'argent. Zakatul fitr, c'est sur le corps, nourriture. Donc il ne faut pas être riche pour la sortir. Donc les savants ont dit à l'obligation de sortir zakat al-fitr toute personne qui a ce qui lui suffit pour elle et sa famille la nuit du Eid et le jour du Eid. Voilà. Celui qui a ce qui lui suffit pour lui et sa famille du coucher du soleil qui marque la fin de Ramadan et l'entrée de Shawwal jusqu'au lendemain, donc le jour du Eid, cette personne-là doit sortir zakat al-fitr. Celui qui a ce qui lui suffit et il a un surplus à cela, il doit sortir zakat al-fitr. Est-ce que c'est clair? Qu'en est-il de celui qui dit moi j'ai plus mais je n'ai pas assez pour donner zakat al-fitr en soir, la mesure totale? Qu'est-ce qu'on lui dit? Celui-ci, que devra-t-il faire? Al-Naman, qu'est-ce qui répond à cette question? Naam. Il donne selon sa capacité. Naam. Il donne ce qu'il peut donner. Il donne ce qu'il peut donner. Quelle est la preuve de cela? Celui qui parle, il parle bid-dalil. Très très important. Jazakallahu khayra. Qala Allahu jalla wa ala, fattaqullaha mastata'tum. Allah nous dit dans le Coran, sur la traduction des sens de ce verset, ou de ce bout de verset, craignez Allah, craignez donc Allah autant que possible. C'est quoi taqwa? Faire ce qu'Allah t'a commandé et délaisser ce qu'il t'a interdit. En espérant la récompense, en craignant son châtiment. Donc, tu donnes ce que tu peux. Celui qui peut donner un quart de sa', il donne un quart de sa'. Celui qui peut donner un demi, trois quarts, il donne ce qu'il peut. La deuxième preuve, le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ma amartukum bih, fa'atu minhu mastata'tum, wa ma nahaytukum an fajtanibuh. Le prophète alayhi wa sallam nous dit, ce que je vous ordonne, accomplissez-le selon votre capacité. Comme dans le verset. D'accord? Et ce que je vous interdis, abstenez-vous. On ne dit pas selon votre capacité. Parce que faire le haram, c'est toi qui fais. Alors faire le bien, il se peut que tu n'aies pas la capacité. Alors que le haram, c'est tark, c'est le délaissement. Naam. Donc, celui qui n'a pas la capacité de sortir la mesure totale pour Zakatul Fitr, il donne ce qu'il peut donner. Il donne ce qu'il peut donner et il est excusé pour le reste. Plusieurs personnes disent, moi j'habite chez mes parents, je n'ai pas les moyens. Naam. Ou bien, je suis converti à l'islam. Comment ces gens-là font? Ils n'ont pas beaucoup d'argent. S'ils ont, ils sortent ce qu'ils peuvent. Ils ont ce qu'il leur faut pour la veille du Eid, pour le jour du Eid, alors avec ce qu'ils ont. Naam. Celui qui a 2 euros, peut-être qu'il peut, il peut acheter Zakat al-Fitr. Celui qui a 3 euros, celui qui... Wahakada. Naam. Selon sa capacité, il fait ce qu'il peut. Naam. Il nous reste un point concernant cela. Qu'en est-il du djanin dans le ventre de la femme? Qu'en est-il de l'enfant que porte en elle la femme et qu'il n'est pas encore né? Qui n'est pas encore né? Comment est-ce qu'on appelle le fœtus? L'enfant. Naam. Ou bien on va dire de manière plus générale ce qu'elle porte dans son ventre. Quel est le jugement de sortir sa zakat? Zakat ul fitr. À partir de 4 mois, révolue, l'âme lui est insufflée. Quelle est la preuve de cela? Ça, c'est une chose du raïb, on ne peut pas savoir ça. Hein? Quelle est la preuve de cela? On dit ça comme ça parce qu'on l'a entendu, on le répète, ou bien il y a une preuve? Il y a un hadith rapporté par Abdullah ibn Saoud. En effet, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Indaman. Yani santama tahfaz al-arba'a an-nawawiyya. T'as pas mémorisé l'arba'a an-nawawiyya? Faut que t'apprennes l'arba'a an-nawawiyya. T'apprends un hadith par jour, tu m'appelles. Et je te corrige, inshallah. Tu veux? Chaque jour? Ou c'est lourd. Chaque 3 jours, tu m'appelles et t'apprends l'arba'a an-nawawiyya et on révise ensemble. Tu veux? Jazakallah khaira. On doit tous apprendre l'arba'a an-nawawiyya. C'est muhim jiddan. Naam. 42 hadiths qui renferment les bases du din. Et ce sur quoi? Ce de quoi traite tout le din. Naam. Et la plupart sont courtes. Naam. Il nous dit au début du hadith, Haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa sadiqul masduq. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et c'est le très véridique et celui qui est certifié lorsqu'il s'exprime. Pourquoi est-ce qu'il commence le hadith comme ça? Car il va nous citer des choses qui sont extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire, et qui relèvent des choses du raïb, des choses de l'invisible. Naam. Et la preuve de ce concile, c'est qu'il nous dit ثُمَّ يُرْسَلِ إِلَيْهِ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكِ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ. Naam. Avec quoi? Avec النفخة. النفخة a lieu à quel moment? à 4 mois révolus. À 4 mois révolus. Et on lui envoie l'ange, il y a 9 ruh et il y a l'écriture de 4 choses. واضح؟ طيب. Et dans l'Arba' al-Nawawiyya, on nous dit, yani dans le matn, na'am, إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. نعم، mais نطفة ce terme-là, d'accord, dans le sharh, il faut revenir aux annotations. Il faut revenir aux annotations. D'accord? Donc ça, c'est 40. طيب. Ensuite, il y a 40 où c'est un bout de chair, Moudra. طيب. Ensuite, il y a 40 autres, ça fait combien? 3 fois 4, ça fait combien de jours? Ça fait 120 jours. 120 jours, ça équivaut à combien de mois? 120 jours, ça fait 3 mois. Je suis fatigué, je jeûne, mais j'ai quelques restes de calculs mentaux. Je pensais que ça faisait 4. Ça fait pas 4, Yanis? Yanis, tu réfléchis, Allah hidik. Naam, toi aussi, tu es fatigué avec le jeûne. Al-Hasil, ça fait 4 mois. Ou bien c'est moi qui suis trop fatigué. T'es d'accord, Abdullah, ou t'es pas d'accord? Oui. Ça fait 4 mois. Et à ce moment-là, il y a Nafr al-Ruh. Et il y a Kitabatu al-Kalimat. D'accord? Donc, comme a dit notre frère, Hafidahullah Ta'ala, à 4 mois révolus, c'est un être vivant, c'est un enfant. D'accord? Ça, c'est la première information. Donc, à 4 mois révolus, qu'est-ce qui se passe? Là, tu nous as prouvé qu'il y a Nafr al-Ruh. Son âme est insufflée. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe comme jugement? Tu dis que c'est on doit sortir sa zakat? Naam. Taïb, qu'est-ce que tu dois, toi Yanis? On sort la zakat pour lui à partir de 4 mois révolus? Naam. Vous êtes d'accord? Taïb. Comme a dit notre frère Hassan, Hafidahullah Ta'ala, à ce moment-là, ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né. Mais c'est recommandé. Et il est bon de le faire parce que Uthman ibn Affan, qui fait partie de l'Khulafa al-Rashidin, le faisait. Donc, avant la naissance, si l'enfant a dépassé 4 mois, il est bon de sortir Zakat al-Fitr pour lui, mais ça n'est pas une obligation, c'est recommandé. Est-ce que c'est compris? D'accord. Avant 4 mois, est-ce qu'on dit que c'est obligatoire ou recommandé? Non, parce que c'est pas un enfant. Il n'y a pas l'âme insufflée. Non. Voici pour ce quatrième point. Le cinquième point. Majin Suha, de quelle sorte doit être Zakatul Fitr? Quelle espèce on aurait pu dire? Hiya ta'amun adami. C'est de la nourriture pour humain. C'est de la nourriture pour humain. Pourquoi est-ce que les savants ont spécifié pour humain? Quelqu'un aurait pu donner en Zakatul Fitr de la nourriture pour les animaux du voisin. Il est dans le besoin, il lui donne de la nourriture. Avec lesquelles il pourra nourrir son troupeau, par exemple. Est-ce qu'il a donné de la nourriture ou pas? Oui ou non? Oui, il a donné de la nourriture. Est-ce que cela lui vaut pour Zakatul Fitr? Non. Pourquoi? C'est de la nourriture. Parce que ça n'est pas de la nourriture pour les humains. Donc ça n'est pas mal. Donc El Fuqaha, lorsqu'il parle, il cite des termes très méticuleux par moment. Très spécifiques, précis. Naam. Donc, ta'amun adami, c'est la nourriture pour humain. Et, ma'adha, sa'an min al-ta'am. D'accord? Et Abu Sa'id al-Khudri nous dit, wa kana ghaliba aqwatihim hina dhak. Et c'était la plupart de la nourriture qu'ils mangeaient à cette époque. Naam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a spécifié 3 aliments. Et dans un hadith, un quatrième. Il a spécifié dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, al-bur, le blé, al-sha'ir, l'orge. al-tamr, les dattes, al-zabib, les raisins secs. Naam, dans l'autre hadith, on trouve al-aqit. À la kulli hal, sur ces asnaf, sur ces types d'ingrédients, d'aliments, il n'y a pas de divergence. Ça a été spécifié dans le hadith. D'accord ? Puis, les savants ont divergé pour les autres aliments. C'est-à-dire, est-ce que nous avons le droit de sortir d'autres aliments ou pas ? Les savants ont divergé dans cette question. Quant au fait de sortir une de ces catégories-là, il n'y a pas de divergence sur la permission de le faire. Parce que plusieurs ahadiths viennent nous montrer cela. Quant à la quantité, et on reviendra ensuite sur la divergence, le cinquième point, ma miqdaruha, quelle est la mesure? Naam, quelle est la mesure? Donc, le cinquième point a été, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité de manière explicite dans le hadith, dans plusieurs hadiths, parmi lesquels le hadith d'Abdullah ibn Omar, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, zakat al-fitr, sa'an. Naam. Donc le prophète alayhi salam nous dit que, ou bien Abdullah ibn Omar nous dit que le prophète alayhi salam a rendu obligatoire zakat al-fitr un sa'. Donc la mesure de zakat al-fitr, c'est un sa'. Naam, comme j'ai entendu un de nos frères le dire sans demander la parole. Naam, un sa' de nourriture. D'accord. Qu'en est-il de celui qui donne un demi-sa'? Est-ce que c'est valable ou pas? Un demi-sa'. Quelqu'un qui a la capacité, il est riche si tu veux. C'est pas valable? Je te laisse réfléchir pour que tu me dises qu'une seule parole. C'est pas valable? D'accord. On verra ensuite si c'est pas valable. Donc, un sa', c'est quoi un sa'? C'est le nom d'une mesure qui équivaut à arba'ata amdoud. C'est quoi un moud? Un moud, c'est les mains jointes de la sorte. Naam. Comment est-ce qu'il dit ça? En écu, j'arrive pas à lire ce terme-là, QL ou quelque chose comme ça. Hasil, tu joins la paume de tes mains et tu remplis de cet aliment tes mains. Comment est-ce qu'on appelle cette mesure-là? Un moud. Une fois cela, ça s'appelle un moud. Si je remplis mes mains de riz, d'accord, et que je mets cela dans un sac, on dira que dans ce sac, il y a quoi? Il y a un moud de riz. Est-ce que c'est compris? Un deuxième moud, puis un troisième, puis un quatrième, s'appelle un sa'. Est-ce que c'est compris? Un moud, c'est le singulier. Quatre fois cela s'appelle un sa', avec un sa'd. Est-ce que c'est compris? C'est cela la mesure de zakat al-fitr. C'est un sa' de nourriture. C'est un sa' de nourriture. Il y a le consensus sur cela, d'accord, sauf pour un aliment. Sauf pour un aliment, il n'y a pas le consensus des savants. Sur quel ingrédient? Sur al-bur. C'est sur al-bur, le blé. Naam. Sur le al-bur, c'est le qamh. Naam. Al-qamh. Il n'y a pas sur cela le consensus. Il n'y a pas sur cela le consensus. Pourquoi? Parce que certains textes, et ça c'est l'avis d'Abu Hanif, hein, la plupart disent fois un sa' comme le reste, d'accord, en prenant les textes. Mais d'autres textes nous citent que pour al-bur, nisf sa', la moitié d'un sa'. Que l'obligation pour al-bur, c'est la moitié d'un sa' et non pas un sa' complet. Mais il ne fait aucun doute que s'il donne un sa', c'est valable parce qu'il n'y a pas de divergence sur ça. La divergence, elle est sur moins que cela. En l'occurrence, ici, la moitié d'un sa'. Al-jumhur qalu bi wujub as-sa' kamilan. La plupart des savants disent qu'il faut un sa'. Il faut un sa', comme on dit al-Malikiya, Shafi'iya, Hanabila, ainsi de suite. Mais al-Hanafiya, eux, ont dit, ou al-Ahnaf, ont dit que la moitié d'un sa' suffit. Et ils ont cité des preuves. Et ils ont cité des textes. C'est pour cela que cet avis a été secouru par certains savants. Et si mes souvenirs sont bons, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit que c'était l'avis le plus plausible. Et nous, on ne dit pas que l'avis qui est bon, na'am, en suivant les paroles des ulama, est l'avis d'un tel parce que c'est un tel qui l'a dit. Non. Chez Ahl Sunnah, la preuve n'est pas une preuve en soi, sauf si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la parole d'Allah azza wa jal. Sinon, après lui, il faut une preuve. La parole d'un sahabi n'est pas une preuve sur un autre sahabi. Et la parole d'un alim n'est pas une preuve en soi sur la parole d'un autre alim. Contrairement à ce dans quoi ont grandi beaucoup de gens, et ce dans quoi se sont éduqués, ont été éduqués beaucoup de gens, at-ta'assub adh-dhamim, le fanatisme, na'am, et le fait d'immensifier des gens au point de les faire monter dans certains points au niveau du prophète alayhi salatu wassalam, en réalité, si seulement ils savaient. Donc, tu lui dis, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il te dit oui, mais un tel a dit cela. S'il te dit oui, mais un tel a dit cela, et il cite les preuves, hada maqboul. Mais s'il voit que l'avis prépondérant est l'avis d'un tel parce que c'est un tel, ça c'est pas bon. Ça c'est en contradiction totale avec les textes. Non. Et les peuples ont été anéantis à cause de ta'assoub. Le peuple de Nuh, le peuple de Ad, le peuple de Thamoud, na'am, ou bien le peuple de Houd et de Saleh et autres, c'est Ta'assoub qui les a anéantis. Parce qu'ils n'ont pas voulu regarder l'épreuve, ils n'ont pas voulu regarder la révélation. Ils sont restés sur ce sur quoi étaient leurs ancêtres. Inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala athari muqtadun. Une question qui est souvent posée, هل يجوز الزيادة على مقدارها? Avons-nous le droit d'ajouter à la mesure légiférée, c'est-à-dire un sa'? Est-ce qu'on a le droit, lorsqu'on donne zakat al-fitr, d'ajouter? Par exemple, la mesure du riz est un sa', et un sa' de riz en kilo nous donne 2 kilos 300. 2 kilos 300. Est-ce que la personne a le droit de donner 3 kilos ou est-ce qu'elle a le droit de donner 2 kilos 5? Par exemple, un sa' de semoule, ça fait 2 kilos. Est-ce qu'il a le droit de donner 2 kilos 500? Un sa' de farine, c'est 1 kilo 400. Un sa' de couscous, c'est entre 1,8 kg et 2 kg. Un sa' de dattes, c'est 1,8 kg. Les pâtes, 2 kg. Les lentilles, 2,10 kg. Ou 2,1 kg. Non. Et ainsi de suite. Est-ce qu'il a le droit d'ajouter à cette mesure? Puis il va et il distribue zakat al-fitr. Ou non? Non. Non. Cette question a été posée à Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala, qui a répondu oui. Na'am, et il met l'intention pour le surplus que c'est une sadaqa. D'accord? Il a dit que c'était permis et il met l'intention pour le surplus dont il a connaissance que c'est une sadaqa. Et parmi les choses plaisantes que je vois chaque année, c'est que certains frères, certaines sœurs mettent dans les sacs de zakat al-fitr, ils mettent des bonbons par exemple pour les enfants, na'am, ou ils mettent, il y a une idée, sucreries, ils mettent des choses qui vont réjouir la famille, na'am, ils vont réjouir la famille, comme le fait de donner certaines boissons ou certains gâteaux, il y a une idée, des choses qui vont leur permettre de festoyer. Hadha amrun jayyid. D'accord, ça c'est une belle chose et la personne est récompensée, pas autant que zakat al-fitr. Non, mais pour une sadaqa ou bien pour un cadeau et la récompense d'entrer la joie dans le cœur du croyant. Et ça, c'est une des meilleures actions qui rapprochent le serviteur de son Seigneur. Faire entrer la joie dans le cœur du croyant. Subhanallah. Avec une bonne parole ou avec une chose ou avec une action. Est-ce qu'il a le droit, par exemple, de donner zakat al-fitr et de donner de l'argent vu qu'ils sont dans le besoin? Hein? Oui, si il donne cet argent en sadaqa ou en cadeau. Par contre, s'il donne cet argent-là pour zakat al-fitr, à ce moment-là, non. À ce moment-là, non. D'accord? Et la fatwa d'Ibn Uthaymin, rahimallahu ta'ala, est dans son livre Fatawa Arkan al-Islam. Et cela nous emmène au sixième point. Ma hukmu ikhrajiha nuqudan iqimata zakat al-fitr. Quel est le jugement de sortir la valeur pécuniaire de zakat al-fitr? Naam. Zakat al-fitr représente un sa' de nourriture. On estime ces denrées alimentaires et on arrive au résultat que ça équivaut à 7 euros par exemple. Quel est le jugement de dire, moi je ne vais pas donner un sa' de nourriture, mais je vais donner les 7 euros? Voici la question. Naam, voici la question. اختلف أهل العلم في هذه المسألة. Les savants ont divergé dans cette question. Les savants ont divergé dans cette question. جماهير أهل العلم قالوا لا تخرج قيمتها بل المفروض الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطعام هو الطعام. La plupart des savants من المالكية والشافعية والحنابلة ont dit qu'il n'était pas permis de sortir sa valeur pécuniaire, mais que l'obligation était plutôt de sortir un sa' de nourriture comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Et ils ont dit, c'est de dire que tu peux la sortir en argent. هذا مخالف لما جاء به الرسول وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. Ils ont dit que de sortir en argent, ça contredit ce avec quoi nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça contredit ce sur quoi étaient les compagnons. Et ça contredit ce sur quoi étaient les compagnons. Et certaines personnes propagent que Omar رضي الله عنه aurait sorti zakat al-fitr en argent. Et en réalité, probablement de par l'ignorance, ils ont confondu entre Omar ibn al-Khattab, qui est le deuxième calife de l'islam, un sahabi, et Omar ibn Abdel Aziz, qui ne fait pas partie de sahaba, na'am, et qui fait partie de l'élite de ceux qui l'ont succédé, mais il ne fait pas partie de sahaba radiallahu anhum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i al-rashidin » Accrochez-vous à ma tradition et à la tradition des califs bien guidés. C'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Qu'a fait dans ce domaine le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sortir nourriture. Qu'a fait Abu Bakr? Pareillement. Omar, pareillement. Othman, pareillement. Naam. Et Ali, pareillement, radiallahu anhu. « Bel ashabu al-kiram qatiba » Plus encore, tous les sahabas ont fait ça. Tous les sahabas ont fait ça. Naam, tous les sahaba ont fait cela. Quant à la preuve la plus explicite, le hadith d'Abu Sa'id, le hadith d'Abdullah ibn Omar, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, tayyib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire zakat al-fitr. Tuhratan li sa'im. Pour purifier le jeûneur. Min al-lagwi wa al-rafath. Des futilités, des fautes, des péchés. Wa tu'matan lil-masakin. Et pour nourrir les pauvres. Pour nourrir. Nourriture pour les pauvres. Si tu donnes de l'argent à quelqu'un, est-ce que tu l'as nourri? Oui ou non? Non. Non. Avec l'argent, on peut payer un loyer, on peut acheter d'autres choses, on peut partir en vacances, on peut payer une dette, on peut faire beaucoup de rêves. Ou du mal. Les gens peuvent acheter, wal'iyadu billah, des cigarettes, acheter le mal et le cancer. Non. Ils peuvent acheter des choses haram, la viande pas halal. Ils peuvent acheter des choses interdites, illicites. Non. Par contre, la nourriture, ça on dit tant. Avec la nourriture, on nourrit les gens. Ça, il n'y a pas de doute dessus. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas, nous dit Tu'matan lil masakin. Puis il nous dit Faman addaha qabla salat al-Eid, ou qabla al-salat, fa ya zakatun maqboula. Celui qui s'en acquitte avant la prière du Eid, alors elle sera une zakat acceptée. Zakat al-Fitr. Wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqa min as-sadaqat. Quant à celui qui s'en acquittera après la prière, donc du Eid, elle sera pour lui une aumône parmi les aumônes. Une aumône parmi les aumônes. Na'am. L'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit, comme on trouve dans Mukhtasar al-Khalil, la yujzi'u an yadfa'a al-fitra thamanan. L'imam Malik rahimahullah ta'ala et la plupart des gens du Maghreb ou d'Afrique sont sur le madhhab de l'imam Malik. Na'am, du moins se réclament de cela. L'imam Malik rahimahullah ta'ala dit que la yudzi'u, celui-ci ne lui est pas valable, ne lui est pas comptabilisé. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Ça n'est pas valable. Un yadfa'a fil fitra thamanan. Qu'il s'acquitte de la zakat en donnant son prix, en donnant de l'argent. L'imam Malik a dit ça ne passe pas. Quant à l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, nous dit, comme c'est dans l'Umm, la tujzi'u al-qima. Que la somme n'est pas valable. C'est pas valable. Et l'imam Ahmed, comme nous le cite Ibn al-Qudama dans le Mughni, rahimahumallah, nous dit la yu'ti qimata. Il ne doit pas donner sa valeur en argent. Qilala, puis il lui fut dit, subhanallah, regardez, on se croirait, yani les paroles se répètent. قيل له يقولون عمر ابن عبد العزيز كان يأخذ القيمة. Quand l'imam Ahmed a dit c'est pas valable de la donner en argent, ils lui ont dit mais Omar ibn Abd al-Aziz permettait cela ou faisait cela. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a dit يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a éduqué la ummah sur la sunna, ala l'ittiba' wa ala alam al-taqlid wa ala al-ta'assub bal ala al-athar wa al-amr al-atiq. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a éduqué la communauté à prendre les preuves, à revenir au Coran, à la sunna, consensus des sahaba, et à ne pas rester accroché à la parole d'une personne ou de plusieurs, même si cette personne a un très haut rang en islam. Car elle n'est pas infaillible, tout simplement. Il a répondu, rahimahullah ta'ala, ils délaissent la parole du messager d'Allah, puis ils disent, un tel a dit. Et qui est cet un tel? C'est Omar ibn Abd al-Aziz. Certains le surnomment le cinquième calife. Bien que ce n'est pas le cinquième calife. Non. Et que sahaba sont meilleurs que lui. Radiallahu anhum wa rahimah. C'était un dirigeant très juste et très pieux. Et qala thumma dhakara hadith Abdullah ibn Omar. Puis là c'était le hadith Abdullah ibn Omar. Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr sa'an min tabr. Non, puis il a cité le hadith pour leur montrer qu'il faut suivre la preuve. En leur disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire zakat al-fitr un sa' de tamr ou bien de sha'ir ou bien ماذا؟ دو زبيب ودو أقط. نعم. إلى سيتي لو فيرسي واطيعوا الله واطيعوا الرسول وبيسي الله وبيسي ميساجي. نعم. كونت ماذا؟ الأحنف خالفوا ذلك. Quant à ceux qui ont suivi le madhab d'Abu Hanifa, ils ont contredit cela. Et ils ont dit que celui qui sort cela, c'est valable. Mais que nous avons la permission de sortir Zakat al-Fitr en argent. Sortir la valeur de Zakat al-Fitr en argent. Tu estimes cette Zakat et tu donnes, au lieu de donner la nourriture, tu donnes l'argent aux pauvres. Et ils se sont basés sur plusieurs preuves, parmi lesquelles un hadith daif, parmi lesquels un hadith faible, na'am, de Abdullah ibn Omar, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire Zakat al-Fitr, et parmi les termes du hadith, arnouhum fi hada al-yawm, enrichissez-les dans ce jour, en ce jour. C'est-à-dire enrichissez les pauvres en ce jour. Ce hadith-là est daif. Ce hadith-là est faible et il y a dans sa chaîne de transmission Abu Mi'asha. Et Al-Hafidh ibn Hajar nous dit il est daif. Naam, il est daif. Ensuite, ils ont dit, et c'est la plupart de leur argumentation, fihi taysirun ala al-fuqara. Ils ont dit il y a une facilité. Naam, pour les pauvres, wa daf'un lil mashaqqa wa sadd al haja, ça remplit un besoin qui se trouve auprès des pauvres, ça leur facilite, naam, et ça repousse leurs besoins, et ainsi de suite. Les ulama ont répondu, dans cette explication il y a deux fautes, comme l'a cité Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. La première, c'est que ça contredit an-nas wa la yajuz al-ijtihad. Premièrement, la première faute, c'est que ça contredit les textes authentiques. Et il n'est pas permis de faire un effort de réflexion qui va à l'encontre d'un texte authentique. La deuxième faute est dans le fait de dire qu'il y a une sagesse à faire cela. Et que c'est meilleur de faire cela. Et que c'est plus avantageux pour le pauvre de faire cela. En faisant cela. Pourquoi? C'est une faute. Qui est-ce qui a rendu obligatoire cela en faisant de la sorte? Hein? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui lui a ordonné de faire cela? Allah tabaraka wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Dans sourate Al-Mulk, Allah azza wa jalla nous dit sur la traduction des sens de ce verset. Ne sait-il pas celui qui a créé? Alors que c'est le parfaitement, ou c'est le parfait connaisseur des choses subtiles, et celui qui est parfaitement informé. Et Allah Azza nous a créé, il nous connaît parfaitement. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est-il pas plus à même de savoir la sagesse qui prime, le besoin qui prime? Et dans quelle chose est la facilité? La facilité est dans tes. La facilité est dans ta shi'a. La facilité est dans ta Taïsirullah Azza wa Jal. Et le fait de contredire An-Nas, c'est la difficulté. Même si en apparence on voit une facilité. Même si en apparence on y voit une facilité, une sagesse, il n'y a pas plus facile, pas plus sage, pas meilleur, pas plus avantageux pour l'ensemble des parties composantes du monde, pas que des pauvres musulmans, que ce que Allah Azza wa Jal a légiféré. Non. Le grand savant, Cheikh Farkos, Hafidahullah Ta'ala, a écrit à ce sujet. Il a cité la question en citant les preuves. Mada des deux parties. il a apporté la parole de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ولم يجز عامة فقهاء عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة. الإمام النووي رحمه الله تعالى ندي probablement dans le sharh de Sahih Muslim, car c'est lui qui en a fait la meilleure explication et c'est lui qui l'a ordonné, agencé et qui a mis les titres, l'agencement et la meilleure explication est celle de l'imam An-Nawawi رحمه الله تعالى. Donc il nous dit, et je cite, n'a permis, ou la plupart des savants n'ont pas permis de sortir Zakat al-Fitr en argent. Et Abu Hanifa l'a permis. Et ils ont expliqué cela en disant que le but de Zakat al-Fitr était d'enrichir les pauvres. Et que ceci se concrétisait en donnant de l'argent. Et que c'était plus profitable de donner de l'argent que de donner la nourriture. Quant à la majeure partie des savants, ils ont expliqué l'interdiction de faire cela et l'obligation de la sortir en nourriture en disant que le texte est venu en ces termes. Donc il ne faut pas sortir des textes. Ça contredit les textes. Deuxièmement, si ceci avait été permis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait cité, l'aurait exposé. Car il n'est pas permis de retarder une science nécessaire dans un temps de nécessité. Dans un temps de nécessité. Il y a une règle qui dit ta'khirul bayani an waqt al haja la yajuz. Ta'khirul bayani an waqt al haja la yajuz. Aussi, si on dit que c'est une somme, comment est-ce qu'on va estimer la somme? Non, comment on va estimer la somme? Toi, tu me dis tel chiffre, lui dit tel autre, l'autre il dit telle somme. Donc ça va mener à la division, à la divergence. Non, alors qu'en restant ce sur quoi était le prophète alayhi wa sallam, il y a l'union. Et une autre preuve, c'est que Zakat al-Fitr, Tajri, Majra, Sadaqat al-Abdan, là l'amwal. Et Zakat al-Fitr, ça suit les aumônes sur les corps, pas les aumônes pécuniaires, comme Zakat al-Mal. Naam, comme Zakat al-Mal. C'est plutôt sur la Zakat du corps. Comme les kafarat, par exemple, quand tu as une kafara, tu vas nourrir des pauvres. Naam. Le huitième point, je n'entre pas dans ceux qui disent oui mais au pays, depuis petit on fait cela, oui mais nos parents ont toujours fait cela, oui mais moi je connais, quand je donne aux pauvres, ils me la ramènent et il dit qu'il n'accepte pas ou qu'il veut de l'argent. Et ensuite, cette question a été posée à Cheikh Salah Fawzan qui a répondu, ça n'est pas aux pauvres de décider de ce qu'on lui donne dans le dé. Zakat ou le mal, par exemple, c'est une somme précise, c'est un calcul précis. Il n'a pas le droit de te dire, non, tu gardes ça et moi je prends ça. Ou bien ajoute, non, c'est délimité religieusement parlant. De la même façon, Zakat ou le fitr, c'est une mesure précise, d'une chose précise, d'un jins précis, d'une catégorie précise, c'est la nourriture. C'est Allah Azza wa Jal qui décide, c'est le prophète qui a transmis. Et nous, Namtathil, on se soumet. Comme a dit l'imam Al-Awza'i, ou autre que lui, eh bien c'était l'imam Shafi'i, j'ai oublié. Min Allah al-Risala, wa min al-Rasul al-Tablir, wa alayna al-Taslim. Naam. Min Allah al-Risala, wa min al-Rasul al-Tablir, wa alayna al-Taslim. La révélation vient d'Allah, la transmission du messager, et à nous de nous soumettre. Et à nous de nous soumettre. Donc toutes ces excuses ne sont pas valables ni acceptables. Tu veux faire une adoration, tu demandes comment Allah te l'a légiféré et ordonné. Tu regardes comment le prophète l'a fait et tu le fais. Et parmi les choses très plaisantes, le fait qu'aujourd'hui, suite à la khutbah, plusieurs personnes ont dit « Alhamdulillah, je ne savais pas cela, je ne connaissais pas cela. à partir d'aujourd'hui, je vais la sortir comme le prophète nous l'a ordonné. Naam. Et j'agissais avec ignorance. Ça, c'est le comportement qu'il convient d'avoir. C'est quand tu ne sais pas, tu demandes. Et si la preuve te parvient et la science te parvient, tu remercies Allah Azza wa Jalla, plus tu remercies ces gens-là. Et tu appliques. Naam. Et tu appliques. Et tu apprends la vérité d'où qu'elle. Tu prends la vérité et tu l'acceptes d'où qu'elle te parvienne. D'où qu'elle te parvienne, même d'un faible. Naam. Le huitième point. Fi masrafi zakat al-fitr. C'est-à-dire, à qui devons-nous remettre zakat al-fitr? Qui sont les ayants droit à zakat al-fitr? On a compris sa mesure. Naam. On a compris le poids ou la mesure, la sorte, et ainsi de suite. Il nous faut savoir maintenant à qui remettre ces denrées alimentaires. À qui remettre ces denrées alimentaires. Et celui qui dit, moi j'ai déjà donné de l'argent, parce qu'un tel m'avait dit, donne de l'argent. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, c'est une sadaqa, parmi les sadaqat. Maintenant, sors zakat al-fitr. Et ne sois pas avare envers toi-même. Ne sois pas avare envers toi-même. Donc, qui sont les ayants droit à zakat al-fitr? Ikhtalafa al-fuqaha fi masrafi zakat al-fitr ala qawlayn. Les savants ont divergé en deux paroles. La première parole consiste à dire anna masrifa zakat al-fitr hiya masrifu zakat al-mal al-thamaniya. Le premier avis est de dire que les ayants droit à zakat al-fitr sont les ayants droit à zakat al-mal. Naam, les huit catégories de personnes citées dans Surat al-Tawbah, le verset 60, dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'abidina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi wal gharimina wa fi sabilillah wa binis sabil. Huit catégories de personnes les ayant droit à zakat al-mal dans ce verset. Certains savants disent les ayants droit de zakat al-fitr sont les ayants droit de zakat al-mal. وهذا هو مذهب جمهور العلماء. Ceci est l'avis de la plupart des savants, من الحنفية والشافعية والمشهور من قول الحنابلة. Donc la plupart de الحنفية والشافعية et l'avis connu chez الحنابلة disent cela. نعم, disent cela. L'avis suivant est de dire que zakat al-fitr khassatun bil fuqara'i wal masakin. Khassa bil fuqara'i wal masakin. Le deuxième avis est de dire que tu ne peux la donner si ce n'est aux pauvres et aux besogneux seulement. Naam. Et non pas aux autres catégories. Et non pas aux autres catégories. Les six autres catégories. Wa. Ça, c'est l'avis de Al-Malikiyya et une parole de Al-Hanabila. وَقَدْ رَجَّحَهُ الْعَلَّامَةِ شَيْرُ الْإِسْلَامِ بِنْ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Et c'est l'avis répondant شَيْرُ الْإِسْلَامِ بِنْ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Et beaucoup de savants disent que c'est Rajah, c'est l'avis prépondérant. Pourquoi? Parce que ça va en concordance avec la sagesse du caractère légiféré de Zakat al-Fitr. Le caractère légiféré de Zakat al-Fitr, c'est pour combler le besoin des pauvres ce jour-là, et pour qu'ils fassent la fête avec les autres, qu'ils aient de quoi manger, qu'ils soient à l'abri de tendre la main. Et ceci, qui est-ce qui en a le plus besoin? C'est les pauvres. Naam, c'est quoi un pauvre? C'est quoi un besoin? C'est quelqu'un qui n'a pas ce qui lui suffit pour vivre l'année. Ou quelqu'un qui n'a pas ce qui lui suffit pour vivre la moitié de l'année. Naam. Quand tu dis le miskin, ça englobe el faqir aussi, le pauvre. Quand tu dis le besogneux, ça englobe aussi le pauvre. Et quand tu dis el-miskin, ça englobe le pauvre. Quand tu dis le faqir, ça englobe le miskin aussi. Ce sont des mots qui, lorsqu'ils sont cités seuls, prennent les deux sens. Comme l'islam et l'iman. Comme el-bir wa taqwa. D'accord? El-bir, c'est le fait de faire le bien. Taqwa, c'est le fait de laisser le mal. Mais quand tu dis el-bir tout seul ou le taqwa tout seul, ça englobe les deux. D'accord? Al-Islam sont les actions apparentes. Al-Iman sont les actions intérieures ou cachées. Quand tu cites l'Islam tout seul, ça englobe les deux. Quand tu cites l'Iman tout seul, tu cites l'Iman tout seul, ça englobe les deux. D'accord? Par exemple, pareil pour Al-Fakir et Al-Miskin. Plus les savants divergent, c'est qui le plus pauvre? C'est le fakir ou c'est le miskin? Certains ont dit c'est le miskin. D'autres ont dit non, c'est le fakir. Parce qu'Allah Azza dans le Coran, en parlant des Al-Muhajiroun, a dit il est le fuqara. Dans Surat Al-Hashr. Naam. On a cité ceux qui sont le plus dans le besoin en disant le fuqara. Les fuqara et les muhajirin. Naam. En parlant de quel muhajirin? قال المعني الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Qui sont-ils? الفقراء. C'est les muhajirun. Al-muhajirun, ceux qui ont laissé leur richesse à Mecca et on leur a volé, on leur a pris leurs biens. Ils sont partis pour Allah Azza wa Jalla, son messager sallallahu alayhi wa sallam à Medina. Ils sont arrivés, ils n'avaient rien. On les appelait الفقراء. Et dans le hadith de Abu Huraira, في الصحيح أو الصحيحين, lorsque l'homme a commercé avec son épouse dans la journée de Ramadan, à la fin du hadith, lorsque le prophète lui a donné la cagette de dattes, a donné en sadaqa, et qu'il s'en est allé, il a dit, Ya Rasulallah, awa ala afqar minni Ya Rasulallah. Est-ce que je vais devoir donner cela à plus fakir que moi au messager d'Allah? Puis il a juré par Allah qu'il n'y avait pas entre les deux la bataille de Medina, une famille afqar que la sienne, plus pauvre que la sienne. Est-ce qu'il a utilisé le terme de miskin ou de fakir? Est-ce qu'il a le nom de miskin ou de fakir? Voyez, il a dit il n'y a pas une situation plus grave que la sienne. Non. À la kulli hal, celui qui n'a pas ce qui lui suffit, il rentre dans ce à qui tu peux donner. C'est pas obligé qu'il n'ait rien chez lui. Non, s'il a un besoin, il a le droit de prendre la zakat. D'accord? Il travaille même, peut travailler, peut avoir un appartement, il peut avoir une voiture, il peut être bien habillé. Et malgré ça, il est miskin, ou il est pauvre, il est dans le besoin. À partir du moment où il est dans le besoin, tu lui donnes. Il y a des gens qui sont dans le besoin, qui sont élégants, qui mettent du parfum, qui... Il peut même avoir une belle voiture, il est pauvre. Il a cette belle voiture, par exemple, pour travailler. Peut-être il est endetté, peut-être à la kulli hal. C'est plus vaste que l'idée qu'on a en général. Certains savants ont dit celui qui n'est pas riche, il est pauvre. Parce que dans le hadith de Ma'ad ibn Jabal, sahih, quand il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit tu prends une sadaqa, min aghniyahim faturaddu ila fuqara'ihim. Tu prends une sadaqa, c'est zakat, elle mal, tu la prends à leurs riches et tu la redistribues à leurs pauvres. Donc il y a des riches et des pauvres. Celui qui n'est pas riche, il est pauvre. Naam. Mohamed, t'es riche ou... Barakallah fi arzaqik. Non. Voyez. Donc ça, c'est la vie prépondérante. C'est que zakat ou le fitr, elle se donne, se distribue que aux faqirs et aux miskins. Que aux gens donc, qui sont dans le besoin. Que aux gens qui sont dans le besoin. La preuve de cela... C'est que dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, qu'on a déjà récité, Tu'matan lil masakin, en nourriture pour les pauvres. Donc ici le prophète m'a spécifié à qui devrait être donné zakat ou al-fitr. Quant au verset de surat ou al-tawbah, il ne fait pas référence à zakat al-fitr, il fait référence au sadaqat ou à zakat al-mal. La traduction du verset, les sadaqat ne sont destinées que pour le pauvre, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des jougs, des esclaves, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur, c'est-à-dire celui qui est en voyage et qui n'a plus assez de moyens pour finir son voyage. Et peut-être même chez lui qu'il est pauvre, mais dans sa situation, il est dans le besoin. C'est un décret d'Allah. Et Allah est sage et omniscient. Faridatan min Allah, wallahu alimun hakim. Naam. Ayyo. Qu'est-ce qui nous reste comme masa'il que nous n'avons pas traité? Waqtu ikhrajiha. Neuvièmement, le temps de la sortie de Zakat al-Fitr. Selon le point de vue duquel on se positionne, il y a plusieurs temps. Le premier temps, c'est waqtu al-wujud. À partir de quand c'est obligatoire? Ça devient obligatoire. عند غروب الشمس آخر أيام رمضان آخر يوم من أيام رمضان. À partir du moment où le soleil se couche, le dernier jour du mois de Ramadan, Zakat al-Fitr devient obligatoire. Zakat al-Fitr devient obligatoire. Donc, celui qui est vivant au moment du coucher du soleil du dernier jour de Ramadan et qui est musulman et qui a ce qui lui suffit pour le moment et le lendemain le jour du Eid, a l'obligation de sortir Zakat al-Fitr. D'accord? Il est en train de décéder, il n'est pas encore décédé, il décède que après le coucher du soleil. Atala Allahu a'marakum fi ta'ati. Il doit sortir Zakat al-Fitr. Il décède avant le coucher du soleil, il ne sort pas Zakat al-Fitr. Il a un enfant dans le ventre, il n'a pas l'obligation de sortir Zakat al-Fitr. L'enfant né avant le coucher du soleil, il a l'obligation de sortir Zakat al-Fitr. Non? Il se marie avant le coucher du soleil, il a l'obligation de sortir Zakat al-Fitr. Non? Pour elle, bien que le mieux soit qu'elle le sorte d'elle-même. Et s'il se marie après le coucher du soleil, Mada Afwan. Na'am. Après le coucher du soleil, ça ne lui est pas une obligation. Tayyib. Na'am. L'homme sort Zakat al-Fitr pour lui-même. Et il sort Zakat al-Fitr pour tout ce dont il a l'obligation de dépenser. D'accord? Il y a une exception, c'est la femme qui n'est pas son épouse, parmi les gens du livre, qui n'est pas musulmane. Il ne sort pas sa Zakat al-Fitr. Il doit aussi sortir pour l'épouse qu'il a divorcée, qui est enceinte. أولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن. Quant aux femmes enceintes, leur période de viduité s'étend jusqu'à ce qu'elles accouchent. Si elle accouche avant le coucher du soleil, elle n'est plus sous sa responsabilité. Avant cela, il est obligé de dépenser pour elle. Alors qu'après la période de viduité des trois menstrues, c'est plus son épouse. Il n'a plus d'obligation pécuniaire à son égard. Mais si elle est enceinte, par exemple, encore 6 mois, pendant les 6 mois, il a l'obligation de dépenser pour elle. Pendant les 6 mois, elle habite chez lui. Pendant 6 mois, il dépense pour elle. C'est son épouse, Wahakada. Au moment où elle accouche, il ne l'a pas encore reprise, c'est plus son épouse. Dès qu'elle accouche, c'est plus son épouse. Voilà. Il peut la reprendre avant ça. C'est comme il peut la reprendre avant la troisième menstrue ou la fin de la troisième menstrue. Voyez. D'autres savants, avant ça, le meilleur moment pour sortir Zakat al-Fitr, le meilleur moment, c'est le matin du Eid, avant que les gens sortent pour Salat al-Eid. Ça, c'est le meilleur moment. Mais comme certaines personnes ne connaissent pas à qui donner, elles ne vont pas prendre des risques. Non, elles font le moment où elles vont être sûres, mais il ne faut pas qu'elles se mettent dans la gêne ou la difficulté. Donc tu le fais le matin du Eid, c'est tout ça que tu vas donner. Ou tu penses à la ghalabat al-dhann que tu vas trouver quelqu'un. Sinon, ne te met pas dans cette situation. Et son temps de fin, Yani le dernier moment, c'est Salatul Eid. Donc tu dois sortir Zakatul Fitr de manière obligatoire entre le coucher du soleil et entre la prière du Eid. Et sache que si tu dépasses la prière du Eid, tu auras transgressé. Sauf si tu as une excuse. Comme quelqu'un qui s'est levé ne savait pas que c'était l'Eid. Naam, il ne savait pas que c'était l'Eid. Donc il n'a pas eu le temps d'acheter, kada, kada, Salatul Eid, il vient Salatul Eid. Lui, il le fait après, il n'est pas, il est excusé. Naam. Et c'est permis de la sortir un jour avant, voire deux jours avant. Comme le faisaient certains parmi les Sahaba. Comme le faisaient certains parmi les Sahaba. Et l'imam al-Bukhari a cité le Athar d'Ibn Omar. Ou bien la parole qui nous dit « Sahaba takanu utuna qabla al-fitr biyawm ou yawmayn » Sahaba sortait al-fitr un jour avant, voire deux jours. Et il y a un autre Athar de Nafi' qui nous rapporte que Abdullah ibn Omar la sortait un jour ou deux avant. Puis les savants ont expliqué. Certains ont dit il la sortait avant et d'autres ont dit non, il l'a confié à ceux qui la sortaient avant. Il l'a confié à ceux qui la sortaient avant. Ce qu'a expliqué Cheikh Farkous, Hafidhahullah Ta'ala, si mes souvenirs sont bons. Ibn Athaym, pour résumer tout ça, a dit il y a deux temps. Waqtul Jawaz, Waqtul Fadil. Le temps de la permission et le temps plus honorable, meilleur. Le temps de la permission, c'est deux jours avant l'Aïd. Deux jours, à partir de deux jours avant le Eid. Et le temps fadil, c'est le jour du Eid avant la prière. Quant au fait de la retarder après, c'est haram. Si la personne a des proches qui sont sous sa responsabilité, il sort pour eux à Zakatul Fitr, sinon pas les moyens de la sortir. Il se peut que c'est toi qui t'occupes de tes frères et sœurs, oncles, tantes, parents. Dans ce cas-là, s'il ne sort pas à l'heure, tu la sors pour eux. Une autre mas'ala, est-ce qu'on peut sortir la zakat de fitr pour quelqu'un d'autre? Pour qui nous ne sommes pas obligés de dépenser. C'est permis. Tu peux sortir ta zakat pour moi. Tu peux sortir ta zakat pour toi. Est-ce que je peux sortir zakat ou le fitr en avance? En la confiant à quelqu'un ou en déléguant quelqu'un? Plus précisément, est-ce que je peux confier zakat ou le fitr en déléguant une personne qui va la sortir pour moi? Oui, c'est permis. À ce moment-là, est-ce qu'il y a un temps? Non. À ce moment-là, tu peux la donner en avance. Non, tu peux la donner. Tu pouvais la donner hier, avant-hier, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sortie. Tu l'as déléguée pour qu'il la sorte une fois le temps légiféré entré. Est-ce que c'est compris? Taïeb. À partir du moment où tu lui as donné, il n'y a pas d'ishkel. À partir du moment où tu l'as confié pour donner aux pauvres, et que c'est quelqu'un de confiance ou akada, t'es déchargé de l'obligation. T'es déchargé de l'obligation. Une autre mas'ala, dans quel endroit est-ce qu'on sort zakat al-fitr? Nous qui sommes ici, beaucoup disent, moi je vais la sortir au bled par exemple, parce que je ne trouve pas de pauvres, mathalan. Ou bien c'est moins cher, ou bien c'est plus simple à faire, ou bien les gens acceptent plus les denrées alimentaires. Al-asl, la base, c'est que tu sors zakat al-fitr dans l'endroit où tu es Ramadan, au coucher du soleil Ramadan, ou Eid. D'accord? Tu sors la zakat dans cet endroit. Mais dans le cas où tu ne trouves pas, à ce moment-là, tu peux déléguer quelqu'un dans un autre pays qui va, par exemple, s'en acquitter pour toi. Et si tu es en voyage et que tu fais l'Eid ailleurs et que ta famille sont dans ton pays de résidence, où est-ce que tu sors ta zakat et où est-ce que tu sors la leur? Si eux sortent leur propre zakat, ils la sortent où ils sont. Quant à toi, tu sors ta zakat où tu te trouves. Et si c'est toi qui sors la leur, tu la sors où tu te trouves aussi. Si tu n'as pas l'argent dans le pays où ils sont, de sorte à ce qu'ils peuvent prendre de l'argent et aller acheter zakat au fait, à ce moment-là, tu sors pour tout le monde dans le pays où tu te trouves. Certains, par exemple, sont à Umrah, dans le meilleur endroit au monde. Puis, ils envoient de l'argent, par exemple, dans leur pays d'origine, ou de résidence, pour sortir la zakat. Non, il sort la zakat où il se trouve. Il sort la zakat où il se trouve. Est-ce qu'il y a un point que j'ai oublié de citer pour Zakatul Fitr? Est-ce qu'on peut préparer la nourriture, la faire cuire, enfin un repas pour Zakatul Fitr et ensuite la distribuer? Indama. Si c'est le fidya, c'est permis. Si c'est zakat ou le fitr, non. Voilà ma dizna. Si c'est le fidya de Ramadan, oui. Préparé ou non préparé. Mais zakat ou le fitr, non. Voilà ma nous disent de la donner comme telle. Non. Celui qui n'a pas sorti Zakat al-Fitr, puis le Eid arrive. Et il a fait cela volontairement. Donc il est dans le péché. Est-ce qu'après il doit s'en acquitter ou pas? Oui. Mais il n'aura pas la récompense de Zakat al-Fitr, ce sera un sadaq. Mais il en est redevable. Pourquoi? Parce que ça, c'est le haq du pauvre. Et le haq du pauvre, il ne tombe pas avec le temps. Le haq du pauvre, c'est une dette. Tu dois t'en acquitter. Ça ne tombe pas avec le temps. هذا الذي تيسر الحمد لله رب العالمين. Est-ce qu'il y a un point que j'aurais pu oublier? La divergence dans les aliments? Naam. Les ulama ont divergé dans les aliments. Est-ce que on doit donner que ce qui a été cité dans les ahadiths, du blé, de l'orge, des dattes et des raisins secs? Non. Ou bien est-ce qu'on peut donner autre chose? Quant au fait de donner ces sortes-là, il n'y a pas de divergence. Quant au fait de donner autre chose, les savants divergent. Certains ont dit oui. Premièrement, certains ont dit non. Il faut que ça, ce soit une des catégories des asnaf cités dans le hadith. Pourquoi? Parce que le prophète m'a délimité cela. Alayhi salatu wassalam. Spécifier cela. D'autres ont dit si on trouve ce que le prophète sallam a cité, naam, à ce moment-là, il ne convient pas de donner autre chose. D'accord? Mais si tu ne trouves pas ce que le prophète sallam a cité, comme les dates, comme les raisins secs, comme l'orge et ainsi de suite, à ce moment-là, tu peux donner autre chose. Et d'autres ont dit, et c'est l'avis prépondérant, selon beaucoup de savants, c'est que, donc sur ça, il n'y a pas de divergence, c'est les quatre, mais que tu peux aussi donner ghalib qut had al-balad. Tu peux aussi donner des denrées alimentaires qui sont mangées en général dans ce pays-là. Par exemple, nous on mange en général le riz, les pâtes. Est-ce qu'on peut donner du riz et des pâtes bien que ça ne soit pas cité dans le hadith? Oui, on peut donner du riz et des pâtes bien que ça ne soit pas cité dans le hadith. Quelle est la preuve de cela? C'est que en regardant les différents hadiths, les savants disent que le point commun, c'est quoi? C'est que c'est les denrées alimentaires qui étaient mangées à cette époque. Rien ne les unit si ce n'est cette qualité-là. Si ce n'est cette spécificité-là. Qutul balad. C'est que ce sont les denrées alimentaires qui étaient consommées à l'époque. Donc, en faisant un qiyas, on voit qu'on peut donner ce qui est consommé dans telle époque, dans tel pays. Dans telle époque, dans tel pays. Tu leur donnes de ce qu'ils consomment en général. Du riz, des pâtes, du couscous ou autre. Mais tu feras attention à l'unité, à la mesure, au sa'a. Tu feras attention au sa'a. Également, on trouve dans le hadith d'Abu Saïd, lorsqu'il nous a cité les choses, qu'il nous dit, et c'était ce qu'il mangeait en général. Donc lui-même nous dit que ce qui a été cité ici, c'est ce qu'il mangeait en général. C'est ce qu'il mangeait en général. Non. Voici pour Zakatou al-Fitr et les différentes questions relatives, en espérant avoir été clair. La plupart de ceux-là, vous pouvez le trouver dans Moulakhas al-Fiqhiyya de Cheikh Salah Fawzan, ou bien dans le dars de Cheikh Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala, dans les assises de Ramadan, l'avant-dernier chapitre sur Zakat al-Fitr. Et certains points, vous revenez au site de Cheikh Farkos, Hafidahullah ta'ala. Pour finir, parmi les règles de la fin du mois, à part Zakat al-Fitr, il y a les malades qui ont une maladie qu'on appelle incurable, les maladies de longue durée, de laquelle on n'espère plus la guérison, comme certains types de diabète. Non. Et il y a aussi ceux qui sont âgés, qui ne peuvent plus jeûner. Que devront-ils faire? Ces gens-là, ils doivent nourrir un pauvre par jour. Une wajba mujbi'a, un repas qui rassasie le pauvre. Il n'y a pas de mesure particulière. S'il fait à manger, il lui donne un repas avec lequel il sera rassasié. Est-ce que c'est compris? C'est le malade qui ne pourra pas jeûner, ni l'année prochaine, ni dans 10 ans, ni dans 20 ans. Et c'est la personne qui est âgée qui ne peut plus jeûner. Ces gens-là doivent nourrir. Fidiyatun. S'il ne prépare pas, il veut donner comme ça, il achète un demi-sa. Environ 1,5 kg de nourriture, les savants ont dit, environ 1,5 kg de nourriture plutôt, et il le donne. Et dans ce cas-là, il est bon d'ajouter des légumes ou de la viande, ce avec quoi il pourra préparer son repas. 1,5 kg par jour. Donc fois 29 ou fois 30. Et il donne ça aux pauvres musulmans. Et Zakat al-Fitr, je ne sais pas si je l'ai cité, mais tu peux donner qu'à un musulman. Zakat al-Fitr, tu peux donner qu'à un pauvre musulman. Tu peux pas donner à autre, une autre personne. Comme il y a la fatwa de Lejna Da'ima, comme c'est connu. Là, j'ai cité le malade qui est la maladie de laquelle on n'espère plus la guérison. Et j'ai cité la personne âgée. Ensuite, il y a le malade et il y a le voyageur. Celui qui a une maladie passagère et celui qui est en voyage. Ces gens-là, s'ils auront le jeûne, ils devront rattraper un nombre de jours égal. Il n'y a pas de fidi à faire, pas d'étram à faire ou autre. Ils devront juste rattraper, ils ont un an pour le faire. Ils ont un an pour le faire. Ensuite, il y a le cas de la femme enceinte et de la femme qui allaite. Dans le cas où elles n'ont pas jeûné. Si elles ont jeûné, elles ont jeûné. Si elles n'ont pas jeûné, les savants ont divergé sur ce qu'il faudrait faire. Certains ont dit elles ressemblent aux malades. Alors elles vont rattraper. Non. D'autres ont dit non. Car il y a la fatwa de certains parmi les sahaba. Comme Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar. Et il n'y a pas de texte parmi les sahaba qui nous montre qu'ils ont contredit leurs paroles. Et eux ont dit que la femme enceinte et celle qui allaite nourrissent. Est-ce que c'est compris? Elle nourrit à l'image de la personne âgée et de la personne qui est malade, qui a une maladie de longue durée. Donc, elles vont nourrir un repas par jour donné aux pauvres musulmans par lequel il sera rassasié, ou bien donner la nourriture comme ça, à raison d'un kilo cinq par personne. Est-ce que c'est compris? Ça, c'est l'avis d'Abdullah ibn Abbas, c'est la fatwa qui a été suivie par Cheikh Farkos, par exemple, Cheikh Albani, avant lui, et d'autres parmi les ulama. C'est une mas'ala sujette à divergence. Et l'avis d'Abdullah ibn Abbas est très fort du fait que les autres sahaba ne l'ont pas contredit. Naam. Particulièrement pour la personne qui a accumulé les années de jeûne. Naam. Et j'ai posé la question à un savant, je lui dis, je penche plus vers tel avis selon telle preuve, kada kada. Et En général, je dis aux gens de rattraper, même si la vie que, vers laquelle je pense, je suis plus tranquillisé, est celui-ci. Il m'a dit, si tu veux orienter les gens vers tel avis, et lorsque c'est difficile pour eux, vers tel avis tu peux les orienter. Ou tu leur dis ce que tu vois étant le plus facile parce qu'il y a des preuves. Naam. Tu as le droit de prendre le plus facile quand il y a dalil avec. Amma, quand il y a une divergence et que tu vois pas Mada, que c'est l'avis prépondérant, je ne peux pas dire je dis celui-là parce que c'est plus facile, non. Donc dans ce cas-là, naam, dans ce cas-là, il n'y aura pas de gêne à ce que la femme enceinte ou celle qui a l'aide, qui n'a pas jeûné, elle nourrisse des pauvres. Sauf pour les jours où elle a eu ses menstrues ou bien ses loches. Dans ces jours-là, elle n'a pas le droit de nourrir. Elle doit obligatoirement rattraper. Par exemple, une femme qui est enceinte et elle a eu 3 jours où elle a eu 3 jours de loches, par exemple, dans Ramadan. 1 jour avant d'accoucher, 2 jours avant d'accoucher, ensuite c'est l'Eid. Elle a 3 jours de loches. 1 jour ou 2 jours avant l'accouchement, s'il y a du sang, c'est déloché. Elle prie plus. Elle prie plus. Elle jeûne pas. 1 jour ou 2 jours avant, lorsque le sang sort, ça c'est déloché. Elle est nous face à. Ou bien, elle a eu des menstrues, bien que ce soit rare. Ben, ces jours-là, elle les note, elle est obligée de les rattraper, elle ne peut pas nourrir. Elle ne peut pas faire autre chose sinon de les rattraper. C'est wadah? Taïr. Non. Le Eid, en islam, il y a 2 Eids. Eid al-Fitr, c'est le premier Eid qu'a fait le Prophète en l'an 2 de l'Égypte. Et Eid al-Adha. Eid al-Fitr marque la rupture du jeûne de Ramadan et la sortie du mois. Et Eid al-Adha marque le jour du sacrifice, le 10e jour du mois de Dhul-Hijjah. Alors que les pèlerins sont au Hajj et font le plus de leurs actions du Hajj. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé que les gens faisaient une fête. Ou plutôt, il leur a dit qu'Allah azza wa jalla avait abrogé tous les ayat et qu'il leur avait remplacé par 2 fêtes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Voici les ayat, vous les musulmans, voici vos ayat. Al-Eidan en islam, Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Il n'y en a pas d'autre. Ils disent que l'Eid de la semaine, c'est le Jum'a. L'Eid de l'année, certains disent Arafat Kada, mais l'Eid où on fait la fête. C'est Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Et l'Eid, c'est, comment on dit ça, c'est une adoration. Donc on ne peut pas instaurer un Eid en islam. Par exemple, le Maulid. Ceux qui disent que parmi l'Eid, il y a l'Isra al-Mi'raj. Ceux qui disent parmi l'Eid, il y a la fête de la naissance du Prophète. Tout ça, c'est des bid'as. Des khurafat et des bid'as. Munkar ou haram. Naam. Personne ne l'a fait parmi les messagers ou les sahaba ou bien ceux qui les ont suivis avec excellence. Ça vient des Ahl al-Dalal à la base. Naam. Tu n'as pas le droit de faire d'instaurer une fête. Et beaucoup de ceux qui en sortent des fêtes, c'est parce qu'ils ont des lacunes dans certains domaines, alors ils veulent redorer la chose. Non, en islam, tout est parfait, tout est complet. Pas besoin de rajouter tel Eid, Eid de telle personne. Parce qu'on ne fait pas attention à elle pendant 1 an, alors on va lui mettre 1 jour où on va la combler. Puis le Eid de telle autre personne, parce qu'elle est opprimée pendant 364 jours, 365, qui aime, on va lui donner kada. D'accord? Là, les huquq sont mahfouz dans l'islam, les droits sont préservés. Walhamdulillah. Donc on a ces 2 Eid là. Qad abdalakum Allahu bihima khayran minhuma yawm an-nahr wa yawm al-fitr. Rasulullah va dire Allah vous a remplacer cela par meilleur. Le Eid al-Fitr, al-Nahr et al-Fitr. Al-Nahr, c'est le sacrifice. Et on a appelé le Eid al-Eid. Min ada ya'oudu, ida takarra. Al-Eid, on l'a appelé cela comme ainsi, car ça vient, il y a la notion du fait que ça revient, ça se répète. On appelle ça un Eid. Une chose qui se répète, qui revient. Ça, c'est un Eid dans le temps. Cette date revient tout le temps, on appelle ça Al-Eid, parce que ça revient à chaque fois. En arabe, tu dis A'id pour dire répète, par exemple. A'id, ça veut dire répète. Naam. Aada ya'udu, c'est le verbe revenir, retourner. C'est pour cela qu'on a appelé Al-Eid, Al-Eid. Et car il revient chaque année. Et aussi, li'anna al-faraha wa surur ya'ud. Aussi parce que la joie et le bonheur reviennent. chaque année à cette période. Et aussi parce qu'Allah Azza wa Jal revient sur les serviteurs avec sa bienfaisance et avec les récompenses et avec les dons. Naam. Et avec la rétribution suite aux bonnes actions. Pour l'Eid, Al-Fitr, c'est Ramadan. Et les bonnes actions, Eid al-Adha, c'est dans le Hajj. C'est dans Al-Hajj. Et la preuve que c'est légiféré, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Prie donc pour ton Seigneur et sacrifie. Naam. Et le prophète sallam faisait l'Eid. Et les sahaba faisaient l'Eid. Et les tabi'un après ont fait l'Eid. Et les tabi'un pareillement jusqu'à nos jours. Et alhamdoulilah dans chaque endroit où il y a l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné l'Eid. Et a ordonné de sortir pour l'Eid. Et il a ordonné même celles qui ne sortent pas à la base. Il leur a ordonné de sortir et de venir. Et même celles qui ne viennent pas à la base à la mosquée, comme les femmes indisposées, celles qui ont leur menstrue, il leur a dit de sortir pour l'Eid. Donc, on dit à tous les membres de la famille de venir en Eid. Même la femme qui ne prie pas, qui est indisposée, on lui dit de venir. Et elle reste en retrait du masjid. Tashhad, farah al-muslimin, wa da'watahu. Elle assiste au rassemblement des musulmans et à leur joie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَيَعْتَزِلْنَا الرِّجَالِ وَلْيَعْتَزِلْ الْحُيَضِ الْحُيَضِ الْمُصَلَّى. Il a dit, les femmes viennent, se mettent à leur place, et les femmes indisposées se mettent un peu en retrait. Il y en a de l'endroit où on prie. Se mettent un petit peu en retrait. Et vu qu'il y a par exemple le gymnase, elles vont dans le gymnase directement. Non. Et Umm Atiyah radiallahu anha nous dit: Kunna nu'mar an nakhruja yawm al-Eid. On nous ordonnait de sortir le jour du Eid. Cette femme dit: on nous ordonnait de sortir le jour du Eid. Hatta takhruja al-bikr min khidriha. Même la femme, la jeune fille jamais mariée, Naam, sortait de son cocon. Sortait de chez elle. À la base, elle est très pudique, et ainsi de suite. Même elle, elle sortait pour l'Eid. Même Al-Huyyad, même les femmes indisposées. Yakunna khalfan nas. Elles étaient un peu en retrait, derrière. Donc ils venaient en avance, ils faisaient du takbir. D'accord, ça c'est une chose aussi légiférée. La veille du Eid, en venant Eid, et avant la venue de l'imam, takbir. Et il y a des comportement adopté pour aller à la prière du Eid et se tenir à la musalla. Parmi ces comportements, le prophète sallam ne sortait pas pour Eid al-Fitr avant d'avoir mangé. Il mangeait des dattes. Naam, il mangeait des dattes. Et si monsieur Sobon kana akuluha witran, il les mangeait un nombre impair. Quant au fait de rompre le jeûne, naam, il n'y a pas un texte qui nous dit avec un nombre impair. Naam, certains disent tiens, witr, tiens, kada. Si vous avez une preuve, vous m'en faites profiter. Ibn Hassam, la question lui a été posée, il a dit, il n'y a pas de texte sur ça. Naam. Si tu veux manger huit, parce que tu veux manger huit, à moins d'en faire quelque chose de religieux et légiféré, pour ça, il faut faire un texte. Maada, donc le fait de manger, avant de venir à la musalla, ça marque la cassure entre un jour de jeûne et un jour de fitr. Donc tu manges avant de sortir. Si tu peux manger des dattes, c'est encore mieux. Puis tu sors, en faisant du takbir à voix haute. Naam, en faisant du takbir à voix haute. Et depuis la veille, les sahaba faisaient takbir. Et certains allaient même au marché, faisaient takbir, encourageaient les gens à faire takbir. Et ensuite, tu viens à la musalla. Si tu peux venir à pied, tu viens à pied. Et tu ne gênes pas et tu donnes les droits au chemin. Ensuite, tu viens à la musalla. Et la sunnah, c'est de faire ça tout l'Eid dans la musalla, en dehors de la mosquée, comme le faisait le prophète sallam. Donc, à nécessité, tu fais au masjid, la base. Et tachtaril bidikrillah. Quand tu viens à la musalla, il n'y a pas deux unités de prière à faire. Bon, Salem est venu, il n'a pas fait de raka'a. Sahaba sont venus, on n'a pas fait de raka'a. Maintenant, si tu es dans une mosquée, tu fais de raka'a parce que c'est un masjid, pas parce que c'est le jour du Eid, ni salat al-Eid. Il n'y a pas de prière avant. D'accord ? Il n'y a pas de tahiyatul masjid dans une musalla. Tu viens de t'asseoir directement. Et ensuite, lorsque l'imam vient, tu te lèves pour la prière. Et on commence par la prière. La première chose par laquelle on commençait était la prière. C'est ainsi que nous ont dit ashab. Et la sunna, quand c'est salat ou de Eid al-Fitr, c'est qu'on peut retarder le temps. Et quand c'est Eid al-Adha, c'est bien de faire très tôt. Pourquoi? Parce que Eid al-Adha, il va aller sacrifier la bête. Donc le prophète faisait tôt pour laisser les gens aller sacrifier. Pour Eid al-Fitr, il n'y a pas de bête à sacrifier. Naam, de manière légiférée, ainsi de suite. Il n'y a pas l'udhiya à faire à Eid al-Fitr. Donc le prophète, on laissait le temps, aux gens d'arriver. Pour Eid al-Adha, par exemple, c'est le Fajr. Et à 6h, on va faire par exemple Eid al-Adha par exemple à 7h40. Après Shuruq, 10 minutes après ou très proche. Alors que pour Eid al-Fitr, par exemple, on va faire 2h après. Les gens peuvent aller sortir Zakat al-Fitr. Les gens peuvent venir tranquillement, sans nuisance. Ils peuvent y acheter le Nabi Dikirillah. C'est la sunnah. Dans Salatul Eid, il y a des takbirat qu'on ajoute. Il y a des takbirat qu'on ajoute. Après takbiratul ihram à la première raka'a, naam. Après takbiratul ihram, naam. Pour la première raka'a, donc le premier takbir, c'est takbirat al-ihram. Ensuite, on a rajouté 6 ou 7. Au deuxième, après le takbir, on a rajouté 5 ou 6. Donc certains disent 8 et 7. Certains disent 7 et 6. Voilà. Et ce que tu ajoutes en plus du premier, c'est sunnah. Donc dans le cas où il oublie, ou dans le cas où il n'ajoute pas, la salat, elle est bonne. Il n'y a pas d'ishkal. Dans le cas où il oublie, dans le cas où il délaisse, dans le cas où il ajoute, dans tout cela, la salat est valable. Parmi les choses légiférées, le fait pour les hommes de mettre leurs plus beaux vêtements. Hein? Donc si tu as un bazin ou un boubou neuf, hein, c'est l'occasion. Ou tu as un beau kamis, naam, c'est l'occasion. Tu mets ton plus beau vêtement. À la base, c'est le blanc qui est le mieux pour Jumu'ah ou autre. Mais là, les textes nous montrent que c'est plus les plus beaux vêtements ou neufs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ou plutôt Omar ibn al-Khattab, est parti voir le prophète et lui a dit à Rasulallah, il a pris deux beaux vêtements en soie, et il lui a dit à Rasulallah, mets cela pour accueillir les délégations et pour les rites. Il lui a dit, ce sont les vêtements de ceux qui n'ont aucune part dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que c'était dans telle matière. Mais il lui a pas dit, non, on s'embellit pas pour accueillir le wufoud et les rites. Donc il a acquiescé cela. Donc tu prends tes plus beaux vêtements. Et si tu veux même prendre une tenue ou faire une tenue pour les rites, il n'y a pas de mal. Pour les enfants, naam, pour les proches, pour des gens dans le besoin, khair. D'accord? Quant à la femme, elle vient dans son vêtement de base. Si elle s'embellit, elle s'embellit dans son foyer. Naam. Avec les femmes de sa famille, ou avec les hommes de sa famille, ou pour son époux, wahakad. Naam. Ensuite, l'imam Malik rahimahullah ta'ala et d'autres ont rapporté un hadith que Abdullah ibn Umar radiallahu anhu كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. Abdullah ibn Umar se lavait le jour du fitr avant d'aller à la prière du Eid. Donc ça a été affirmé de certains parmi les sahabes. Il est même Malik l'a cité dans le Muwatta. Parmi les choses à savoir, c'est que c'est haram de jeûner le jour du fitr, le jour du Eid. C'est interdit de jeûner le jour du Eid. Même celui qui doit jeûner 2 mois consécutifs pour la kafara, il arrête le jour du Eid. Alors que s'il rate un jour, il a annulé. S'il ne fait pas un jour volontairement, il a annulé. Mais là, il est obligé de couper ce jour-là. Tu n'as pas le droit de jeûner Yom al-Eid. D'accord ? Tu n'as pas le droit de jeûner le jour du Eid. Le prophète sallam nous dit, comme dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, la sawma fi yawmayn al-fitr wal-adha. Il n'y a pas de jeûne ces 2 jours-là. Le fitr et l'adha, les 2 jours du Eid. Et l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala dans Sharh Sahih Muslim nous dit: وقد اجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال. Il y a le consensus des savants. L'imam an-Nawawi nous dit le consensus des savants quant au caractère interdit de jeûner ces 2 jours. Quelle que soit la situation. Même si c'est un vœu ou autre. Si c'est Salatul Eid, Eid al-Fitr, tu manges avant de te rendre à la prière du Eid. Si c'est Salat Eid al-Adha, la sunnah c'est de manger après. C'est de manger après. Donc pour celui-ci, on mangera avant. Et dans le Hadith d'Anas ibn Malik, dans Sahih al-Bukhari, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات يأكلهن وترا. Dans lequel Ibn Bukhari ne sortait pas à la moussalla du Eid sans avoir mangé des dates, il en mangeait un nombre impair. Et sur le fait de manger qu'après le jour du Eid al-Adha, c'est dans Sunan Tirmidhi, Shahabani dit qu'il est sahih, le hadith. La sagesse elle est évidente, c'est marqué la rupture du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Abdullah ibn Omar dans Sunan ibn Majah, Charbani dit qu'il est Hassan le hadith, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَخْرُجُ لَلْعِيدْ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا. Le prophète sallam sortait à la prière du Eid à pied et il rentrait à pied. Parmi les Sunan mukhalafatu al-tariq fi al-dhahab ila al-musalla wal-iyab minh. Le fait de prendre 2 chemins différents. À l'aller, tu prends un chemin. Au retour, tu fais un chemin différent. Naam. Au retour, tu fais un chemin différent. Ça, c'est une sunnah. À l'aller, tu prends un chemin. Au retour, tu prends un autre chemin. Même s'il y a une petite seulement. Essaye de faire au moins une petite différence. Parce que Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu nous rapporte. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. Le jour du Eid, il prenait un chemin différent. Rapporté par Al-Bukhari. Certains savants ont expliqué cela avec plusieurs paroles. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans Zad a cité plusieurs sagesse. Parmi ce qui a été cité par les savants, c'est de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait passer le salam. C'est l'ifsha al-salam. Il allait par tel chemin et il passait le salam. Au retour, il prenait un autre chemin. Comme ça, il allait passer le salam à d'autres personnes encore. D'autres ont dit li idhar sha'air al-islam. D'autres ont dit c'est pour montrer. Mada, les emblèmes de l'islam. D'autres ont dit pour que la terre sur laquelle tu marches témoigne pour toi, Yom al-Qiyam. Donc en prenant un chemin différent, il y a plus qui témoignera pour toi. Et d'autres ont dit, chaque pas, ça t'élève de degré, ça te pardonne les péchés. Naam. C'est un avis qui a été retenu par certains. Il y a aussi le takbir parmi les sunan. Chez la plupart des savants, c'est recommandé, comme l'a cité l'imam As-Sanani, Nasubul Salam, rahimahullahu, ta'ala, takbiru fil idayn, mashru'un inda al-jamahir. Et pour l'Eid al-Fitr, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que ça a été cité dans le verset, dans le Baqara, dans le sujet du Siyam. Verset 185. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah, عَلَى مَا هَدَاكُمْ, de ce qu'il vous a guidé, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, ainsi vous serez reconnaissants. Naam. Et la plupart ont dit que c'est une sunnah. Ça commence quand? Ça commence au coucher du soleil de Ramadan jusqu'à la khutbah de l'imam. Non. Puis il y a d'autres ahkam quand c'est Eid al-Adha. Quant à la formulation pour être takbir, celui qui dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, il a fait takbir. Non. Celui qui dit Allah Akbar, Allah Akbar, il a fait takbir. Ensuite, il nous a été rapporté de certains parmi les Sahaba. Comme Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu qui disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahi, Allahu Akbar, wallahi alhamd. Ça, c'est Abdullah ibn Saoud. Il dit Allahu Akbar, à deux reprises. Ensuite, la ilaha illallah, une fois. Ensuite, il dit, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, et il dit, Wallah alhamd. On trouve ça dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. Et Charles Bani a dit qu'il est sahih. Et a été affirmé aussi trois fois takbir, pas que deux fois. Au lieu de dire deux fois, tu dis trois fois. Ça aussi, c'est affirmé. Et ça a été affirmé de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu aussi, dans Sunan al-Bayhaqi. Al-Kubra, et Charles Bani a dit qu'il est sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, Allahu Akbar, wa ajal, Allahu Akbar, ala ma hadana. Donc, ce qui est sunnah, takbir. Ensuite, il y a plusieurs formulations, certaines ont été affirmées par les sahaba. Une mas'ala, est-ce qu'on se félicite pour le Eid? Est-ce que tu félicites les gens pour le Eid? Naam. Cheikh Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous montre que si les gens se rencontrent, ce qu'on appelle la tahniya, si les gens se rencontrent le jour du Eid et se disent mutuellement lors de la rencontre, taqabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah accepte nos actions et les vôtres, ou des paroles semblables, que ceci a été, on nous dit que ça a été rapporté par certains des sahabes. Et les imams ont permis cela, comme l'imam Ahmed rahimahullah et d'autres. Et quand on a posé la question à l'imam Ahmed, il a répondu: Ana la abtadi'u bi. Naam, il a dit la abtadi'u bihi ahadan. Il a dit moi, je ne précède personne dans cela. C'est-à-dire, je ne vais pas à l'encontre des gens pour leur dire ça. Naam. Eid al-Mubarak. Ou bien taqabbal Allahu minna wa mink. Ou bien taqabbal Allahu minna wa minkum. Salih al-A'mal. Toute forme de félicitation. Imam Ahmed a dit, moi, en ce qui me concerne, la abda'u ahadan. Ana la abda'u ahadan. Il a dit, moi, je commence personne à dire cela à personne. Puis il a dit, fa'in ibtada'ani ahad. Si quelqu'un me dit cela, ajabtu, je lui réponds. Donc ça, c'est ce qui est le plus juste. C'est que si quelqu'un te dit, tu lui réponds. Tu dis pas, il n'y a pas de dalil. Kada, ça c'est des félicitations, il n'y a pas de problème. C'est des félicitations. Naam. Si la personne te félicite, ou si toi tu félicites quelqu'un, c'est moubah, c'est permis. Ça fait partie des choses que les gens ont l'habitude de faire, c'est partie des habitudes, la haraj. Maintenant, l'imam Ahmed dit, moi je commence pas par le dire. Si on me le dit, je réponds. Ça c'est une bonne chose qui nous est rapportée par les ulama. De commencer, à la kulli hal, il n'y a pas de texte. Mais de répondre à une bonne parole, c'est soit obligatoire, soit mustahab. C'est pour ça que c'est bien de répondre. Et au minimum, c'est des da'awat. La ba'sa biha. Celui qui le fait, il n'y a pas de mal. Celui qui le délaisse, il n'y a pas de mal. Pour conclure, faites de mettre en garde contre les péchés qui se passent le jour du Eid. Il y a des gens qui dépassent les limites le jour du Eid. Naam, al-afrah dans l'islam, c'est pour remercier Allah. Les jours de fête dans l'islam, c'est pour se rapprocher d'Allah. C'est pour évoquer Allah, pour être reconnaissant envers Allah. À un point que certains savants ont dit, le jour du Eid, Allah t'a interdit le jeûne. Pourquoi ? Parce que c'est le jour où il va te récompenser. C'est le jour des cadeaux. C'est le jour de la remise des cadeaux. Subhanallah. Donc tu jeûnes pas ce jour-là. Tu t'attends à recevoir ton cadeau. Tu t'attends à recevoir la récompense chez Allah tabaraka wa ta'ala. Tu manges, tu bois et on te félicite. Ce jour-là, tu n'as pas le droit de manquer à l'appel parce qu'Allah Azza wa Jal donne ce jour-là. Na'am. Donc, c'est un jour d'adoration, c'est un jour où on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Pas un jour où on va dans un endroit où on fait le haram. Où on achète des choses qui sont haram et on met chez nous des choses qui sont haram, on écoute des choses qui sont harama. Où les gens s'habillent n'importe comment. Non. Le Eid en islam, c'est ordonné. Le Eid en islam, c'est shukr. Le Eid en islam, c'est régi et c'est légiféré. والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا صيامنا وصدقاتنا اللهم يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أحينا على الإسلام وعلى السنة ويسر لنا صيام رمضان في العام المقبل سنوات عديدة اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام هذا العام اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا نكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا يا غفور يا غفار اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا يا شكور يا رحيم يا رب العالمين اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك القبول اللهم إنا نسألك القبول اللهم إنا نسألك القبول يا شكور يا رحيم يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك